pas de ça. Mais si, faut parler de Mathieu Gallet. Mathieu Gallet, la présidente, c'est un drôle. Mais vous êtes fou, on va se faire virer. Bonjour, vous êtes bien l'équipe du 17h. Et vous êtes Pierre Laroche, collaborateur de Mathieu Gallet. Ça y est, on est viré. Il n'y a pas de problème, on vient de décider, on n'en parlera pas. Ah oui, non, mais on va s'auto-censurer. Ça n'a rien à voir. Ah ouf, oh là là. En fait, le président voulait bien faire en rénovant son bureau, mais il ne savait pas que les autres bureaux n'étaient pas refaits. Alors, je passe voir toutes les équipes de la maison de la radio pour refaire chaque bureau aux frais de la présidence. Merci, mais c'est pas un peu touchy en ce moment quand même. Oui, avec les syndicats, ça va être. Vous savez, pour ce qui est rénovation, la CGT est plutôt compréhensive. Bon, je prends les mesures. Vous n'allez pas garder cette moquette quand même. Ah, bah, si, non, on va changer. J'ai tous les coloris, toutes les textures, j'ai même du poil de yak. Du poil de yak, super. Il n'y a qu'à demander. C'est gentil de la part de Mathieu Gallet, en tout cas. Ah, ouais, ça va apaiser le dialogue social, ça. C'est la volonté de tout le monde. On ne voudrait pas que Philippe Lefebure fasse sa chronique dessus. De toute façon, il n'y connaît rien d'économie. Oh, bah non, moi j'aime bien Philippe Lefebure. Ah, bah moi aussi, j'aime beaucoup. Bon, les boiseries, je vous mets quelque chose, du bambou, de l'ébène, du palmier d'Islande. Du palmier d'Islande, ça existe, ça? C'est très très rare. Ah, bah, tu m'étonnes que c'est rare. Non, mais je me faisais la réflexion. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de refaire les boiseries alors qu'à la maison de la radio, il y a des incendies? Ah, oui, c'est vrai. C'est pas entièrement idiot, je vais faire remonter. Ah, mais dites pas que c'est moi, hein. Non. Non, bien sûr. Bon, faites-moi une liste et je repasse demain pour tout concrétiser. Merci beaucoup. Mais Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Oui, allô, oui, le canard enchaîné? Oui, oui, c'est pour une révélation sur Mathieu Gallet. Voilà, en fait, il mange tous les midis dans un restaurant étoilé. Mais de rien. Et voilà, je peux vous dire que mercredi prochain à la cantine, c'est caviar pour tout le monde. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et merci à Philippe Lefebure qu'on retrouve demain à 7h47 pour l'écho du jour. Vous écoutez l'émission qui rénove les boiseries de l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va détapisser jusqu'à 18h. L'influence de Patrick Bouisson sur Nicolas Sarkozy fait l'objet d'un livre dont les bonnes feuilles paraissent aujourd'hui. On y apprend les petits noms donnés au président par l'éminence grise, tendance vert de gris, comme le nain, Talonnette ou Napoléon. Mais où tu vas, passe-partout ? T'es pressé ? C'est plus fort que à chaque élection, les politiques remettent sur la table le sujet du porc à la cantine. Si ça continue, ça va être coquillette pour tout le monde, ça posera moins de problèmes. Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. À l'ONU, comme le dossier syrien n'avance pas, Ban Ki-moon a ouvert un dossier sur le bonheur. Les Nations Unies vont publier le top 50 des chansons qui rendent heureux. Voici ce qu'en dit un observateur de l'ONU. C'est The Voice qui a mis la barre haute, et tant mieux. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée du décorateur d'intérieur de l'actualité la rend tellement design, c'est Alex Vizorek. Et j'annonce à la direction que je prendrai évidemment la place de Charline, hein, si vous prenez des mesures qui s'imposent. C'est et aujourd'hui, autour de la table, l'équipe d'origine à 17h20, il est dans une forme, comme s'il revenait d'une semaine de vacances en triolisme avec Nietzsche et Jane Mansfield. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, vous m'avez manqué. J'espère. Mais j'étais pas là que pendant deux jours, non? Mais ça fait rien, vous m'avez manqué, c'est insupportable. Alors je vais vous parler de Black Yaya, c'est le fondateur du groupe Herman Dune et il fait de la musique psychoacidique, c'est vachement bien. Ah bah on ne connaissait pas celle-là. À 17h30, celui qui une fois sur deux enquête sérieusement sur des sujets idiots et l'autre fois enquête idiotement sur des sujets sérieux, c'est Guillaume Meurice. Alors aujourd'hui, je suis allé à l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Chasseurs. Et j'y ai rencontré le ministre Stéphane Le Foll, mais également des dirigeants bien plus importants. Je suis le président national du club des bécassiers. Grosse pointure. Pas inintéressant. Et à 17h40, elle commencera à parler littérature. Et pendant toute la durée de sa chronique, pour moi, il sera 17h40. Car quand elle parle, le temps s'arrête. C'est Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. Bonjour, de quoi nous parlerez-vous? Eh bien, suite à l'assassinat de Boris Nemtsov, donc tué à Moscou, on parlera d'un exceptionnel roman policier qui s'appelle Du sang sur la glace. Intervenez sur Twitter, hashtag annule tout, car nous sommes actifs sur les réseaux soucieux. C'est comme ça qu'appelle le canard enchaîné les réseaux sociaux ce matin. On a lu le canard ce matin comme tout le monde. Dans la maison aujourd'hui, il y a beaucoup de canards qui traînent, je le dis. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Ah oui. Vous êtes né sous Albert Lebrun. Vous fondez et dirigez le théâtre de la Criée à Marseille en 81, l'année où Annie Cordy crie au lieu de chanter Tata Yo-Yo. Vous dirigez le théâtre du Rond-Point à Paris en 95 quand NTM, Nique ta mère, chante Paris sous les bombes. Et vous devenez directeur des Tréteaux de France à partir de 2001, l'année où la télé-réalité arrive en France par le truchement d'une piscine. Vous êtes, je vous laisse le dire. Marcel Maréchal. Bienvenue. La voix, la voix. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Merci de nous accompagner. Marcel Maréchal jusqu'à 18h. Vous jouez Opus Cœur au théâtre du Petit Héberto d'Israël Horowitz avec Nathalie Newman, du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 15h, tout cela jusqu'au 26 avril. Et vous jouez, tiens, juste avant le dimanche, un énergumène qui s'appelle Alex Vizorek et qui est venu vous voir dimanche. Un jour, dernier. Je monte dans ma loge et je lui trouve Marcel Maréchal, légende absolue du théâtre. Donc j'étais, voilà. Et je vous laissais la parole deux secondes à André Manoukian qui disait que la première pièce que vous aviez vue, c'était avec, avec Marcel Maréchal. Oui, j'étais. Moi, je suis lyonnais. C'était au théâtre du 8e. C'était le Bourgeois Gentilhomme. J'étais gamin. J'étais avec l'école et j'ai vu des costumes incroyables. Ils avaient des grosses pastilles, enfin comme des coques rondes au-dessus de la tête, des costumes flamboyants. Il y avait des danses. Ça dansait comme les derviches tourneurs. Bref, c'était ma première émission. Un grand costumier qui avait ça, c'est un peintre, Jim Léon. C'est lui qui a fait. Le film de Jacques Demy, là, vous savez, où Catherine Deneuve. Les Podanes. Podanes. Ça souffle dans le studio. Petite voix. La voix de Nathalie Newman, oui, qui est venue accompagner qui est venue Marcel son Maréchal. Partenaire. Vous soufflez, hein, quand elle ne trouve pas la réponse. Jim Léon, oui, qui avait fait ses costumes. Un Anglais qui vivait à Lyon. Voilà. Alors, on passait d'un Anglais à un Américain, vous jouez là du Israël Horowitz, et on lit dans la note d'intention de la pièce qu'Israël Horowitz, qui est encore vivant, qui est un grand auteur contemporain, qui était un ami personnel d'Anouilh, Beckett, Vaclav Havel, Ionesco, que vous avez joué tous les autres. Alors quelle est la différence et quel est l'héritage d'Israël Horowitz par rapport à tous ces grands auteurs? C'est très curieux qui est ce voisinage, parce qu'il n'y a pas tellement de rapport. Le théâtre d'Horowitz est un théâtre, disons, réaliste, et en même temps dérangeant. Mais c'est un théâtre qui est charnu, alors que. Si on parlait de qui de Ionesco, de Beckett. Oui, c'est un théâtre, ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Mm-hmm. Et lui, c'est un théâtre qui est dans la concrétude la plus totale, enfin, qui parle de choses... concrète, très concrète, pour le coup, voilà. Très américain. Alors en fait, c'est l'histoire d'un professeur à la retraite, oui, qui sent qu'il va mourir et qui veut un peu de compagnie et qui engage une dame de compagnie. C'est ça. Ah bah, ça un rôle probable pour André Manoukian. Et qui parle beaucoup de la transmission, cette pièce, parce que on ne raconte pas tout, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements à l'américaine, oui. Je ne les donnerai pas, mais vous qui avez beaucoup transmis en matière de théâtre, ce personnage qui est quand même pas clair dans sa transmission est assez loin de vous au final. Oui, il est empêtré dans beaucoup de choses, le personnage, et d'abord dans son propre corps, parce qu'il commence à vieillir, il est un peu malade, et puis c'est pas très très clair, quoi. Moi, je sais pas si ma façon de transmettre est claire, mais lui, il mélange un peu les choses. Il est sur la fin de sa vie et c'est quelqu'un de. Enfin, c'est un personnage passionnant qui me fait penser à un autre personnage que j'ai joué qui s'appelle Kripur, qui est le héros du sang noir de Louis Guillou, et voilà ce que je peux dire. Vous avez joué énormément de théâtre. Quand on regarde sur votre page Wikipédia, c'est plutôt du théâtre terminé. Oui, et assez peu de cinéma, ce qui fait que vous êtes peut-être moins connu que certaines autres légendes du théâtre. Enfin, quand je dis moins connu, pour la nouvelle génération, c'était un choix, cette orientation purement théâtrale. Le choix, c'est tout simplement que j'ai fait la plupart de ma carrière en province, et quand quand on me proposait de tourner, vous savez qu'il faut être à Paris. Et disponible. C'est difficile de. Moi, j'ai passé la moitié de ma vie à Lyon avec Monsieur Manoukian. Et puis après à Marseille. Et quand j'ai eu des propositions fortes, intéressantes, et chaque fois que c'est difficile, surtout quand on dirige en plus un théâtre et qu'on a la direction générale de s'absenter, c'est pour ça. Mais bon, j'ai eu. J'ai quand même tourné à peu près 20 films, quoi, mais enfin bon, dont aucun n'a été marquant. En tout cas, vous avez marqué toutes les villes dans lesquelles vous êtes passé, autant au niveau des, j'allais dire, des mômes que du grand public. Et ça, c'est super important. La transmission, selon Marcel Maréchal, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Et vous avez bien fait de venir parce qu'on va parler de Patrick Buisson. Je suis sûre que toute votre vie, vous avez entendu parler de Patrick Buisson et de Nicolas Sarkozy et des petits noms qui s'échangent. Il n'y aura pas que ça, il y aura aussi le porc à la cantine. Je suis sûre que vous brûlez de nous parler du porc à la cantine. Si tu écoutes, j'annule tout. Sur France Inter. Des Breeders, là où André Manoukian explique à notre invité Marcel Maréchal que c'était sexuel dans le riff de guitare. C'est oui, toute cette chanson tenait sur le riff de guitare. Le guitariste connaît deux notes, mais on les a bien entendues. Voilà, et c'est ce qu'a bien compris, comme nous tous, Marcel Maréchal, qui est avec nous jusqu'à 18h, et qu'on peut voir dans Opus Cœur, au théâtre du Petit Héberteau, du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Avec Nathalie Newman. Avec ouais. Nathalie Newman, qui est d'ailleurs présente dans ce studio. Donc vous soufflez, vous n'hésitez pas, si vous voulez intervenir. Et allez-y, parce que voir Marcel Maréchal dans une salle que ça soit si petite et si conviviale, c'est un bonheur et un honneur. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice qui a réglé les problèmes de chasse. Oui, ça fait, dire, c'est réglé aujourd'hui. Ça, c'est réglé. Et André Manoukian qui nous parlera musique, un terme, je n'ai pas bien compris, mais il vous l'expliquera tout à l'heure. Et avant cela, on a épluché la presse, lu les feuilles de chou. On vous fait une sorte de revue de presse à deux voix. Ça. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par une information qui va peut-être vous réjouir, André Manoukian. Hein On commence par la levée d'immunité de Patrick Balkany. Wow. Non, là, je peux pas. La France est sous le choc. Lui, le premier, le maire de Levallois, se plaint d'être victime d'une justice en place publique. Ah bah ça, quand on met des caméras partout, il y a des choses que ça devienne public. Hein. Il a aussi déclaré « Je suis jeté aux chiens ». Oui, c'est l'occasion de rappeler aux éditeurs, si vous avez des chiens, mais qu'ils ne mangent pas ça, hein, ils seraient capables de corrompre leur système digestif, donc faites attention. Information internationale à présent. Oui. La Syrie abat un drone américain suspecté d'espionner son armée. Et Annie Hidalgo a donc pris contact avec Bachar el-Assad pour faire appel à son expertise dans le domaine. Un fait divers australien à présent. Vous allez chercher des affaires sensibles très très loin. Mais oui, c'est, oui, pas mal. Un voleur venait de se faire libérer sous caution après plusieurs méfaits et donc il a tout de suite remis le couvert dès sa sortie. Hein. Le problème, c'est qu'en tentant de voler une voiture, il s'est retrouvé coincé dedans. Le verrouillage intérieur s'étant enclenché. Il est donc à nouveau emprisonné. Le policier est venu gentiment le chercher. Voilà. Et une info cinéma pour terminer. Oui, Alex. On a appris hier que le Mexique avait payé 14 millions de dollars pour mettre en valeur son image et ses spécialités dans le prochain épisode de la série James Bond. Et ils ont même pu imposer une James Bond girl mexicaine de leur choix. Moi, je me suis dit, ça, voilà une bonne chose à faire pour la France, pour son image. On tente le coup. Bonjour, vous. Bonjour. Je suis Bond. James Bond. Bonjour. Je suis Kosciusko Morizet, Nathalie Kosciusko Morizet. Qu'est-ce que je vous sers, du cidre de Normandie? Avec plaisir, Bond. Mais pourquoi êtes-vous là, diable? Pour manger de l'andouillette de vire, 2 pour la tome de Savoie et 3 pour tuer les méchants. Mais c'est Laurent Wauquiez, le méchant. Ben oui, c'est lui. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Bond, avant, vous ne voulez pas une petite branlette espagnole? Désolé, Nathalie, je ne consomme que français. Vous faites excessivement bien, Nathalie, que c'est ce que vous avez dit. Will Flatter, arrêtez, parce que ce fut un moment de grâce dont j'ai du mal à me remettre. Un autre moment de grâce, c'est d'avoir Marcel Maréchal avec nous en studio. Je vais vous engager. Voilà. S'il était au Tréteau de France, je crois que vous partiez sur les routes. Vous rêveriez de jouer avec Nathalie Kosciusko-Morizet, non? C'est une grande actrice. Elle est... Bien sûr, hein, puis elle est lyonnaise en plus, je crois, hein, non? Je vais faire des recherches. Ça, on va faire une recherche. Enfin, elle a vécu à Lyon. Ouais, elle a oui. pas été dans l'équipe de Colombes. Bon, elle est de toutes les équipes. Hein, Colombes, ça m'étonne, c'est la gauche, ça. On va faire un avec petit vous, Marcel Maréchal, on remplace la moquette dans le bureau de l'actualité. Oui. Jusqu'à 18h. Premier sujet, un livre nous aide à faire connaissance avec le mauvais génie de Nicolas Sarkozy. Il s'appelle Patrick Bouisson, rappelez-vous, celui qui avait enregistré les conversations avec un dictaphone dans la poche de son veston. Patrick Bouisson qui tenait l'ex-président sous son emprise idéologique. Et Bouisson qui aurait déclaré, à propos de Sarkozy, « Il ne peut rien faire sans moi, Napoléon ». Mini-moi. Mini-moi, où es-tu? Ce serait pas possible de l'équiper d'une foutue clochette. Ah, t'es là, apportez vite un crochet. Agrippe-toi au bout, on va te descendre. Tu es tout pour moi. Je t'adore. Tiens bon, Mini-moi. Tu sais, s'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je ferais. Il est probable qu'avec le temps, je finirai par te remplacer, mais pendant que je pense que je serai vraiment inconsolable. Oui, Nicolas Sarkozy était donc le mini-moi de Patrick Bouisson dans Austin Power 2. Tout y est, même le petit crochet de boucher pour aller chercher mini-moi, c'est incroyable. Alors, Le Mauvais Génie, c'est un livre de Ariane Chemin et Vanessa Schneider, paru chez Fayard. On peut lire Les Bonnes Feuilles aujourd'hui dans l'Obs ou dans Le Monde, daté d'aujourd'hui. Et on se dit, tiens, encore un ouvrage croustillant sur les coulisses du pouvoir qui révèle les parts les plus sombres du pouvoir. C'est le genre de scénario qui vous séduit, ça, les coulisses du pouvoir un peu sombres, où vous dites c'est de l'arrière-cuisine et j'y trouve pas intérêt. Aucun intérêt pour moi, en tout cas. Sinon, que je trouve que Patrick Bouisson, il a un physique assez théâtral, quoi. Il ressemble pas à un homme politique ordinaire. Il n'est pas clean. Il n'est pas. Ça se pourrait jouer un méchant dans James Bond. Ouais, voilà. Mais enfin, bon, je le connais pas. Hein, c'est l'aspect qui donne. Voilà, j'ai un papier. Ah, vous avez lu la documentation. Hein, oui. Vous avez travaillé vos dossiers. Alors, ce qui est formidable, c'est ses rapports avec Méluche. Oui. Ça, c'est rigolo. Alors, là, Alors, bah, parlez-en, vous, clairement. Il a démenti, Mélenchon a démenti. Hein. Ah oui, Mélenchon a dit qu'il démenti. Ne connaissait pas. Ils se sont rencontrés et ils s'apprécient, apparemment. Et lorsque Mélenchon a Buisson au téléphone face à quelqu'un d'autre, ça le gêne terriblement. Ça fait partie et des bonnes feuilles. Pourquoi ils s'apprécient, alors Parce que, du coup, les auteurs disent qui comprend mieux un marxiste qu'un ancien facho, un ancien trotskiste qu'un ancien de minute. Leur ennemi, au fond, est le même, la social-démocratie. Voilà, ils se sont rencontrés à l'occasion d'une collaboration commune pour un écrit, je pense. Hein, c'est ça. Collaboration. Voilà, oui. En 93. En 1993. Moi, en tant que le théâtre, ce qui me fascine le plus dans le personnage de Buisson, c'est son physique. Quoi. Il ressemble pas, il n'est pas standard. Il a bien la gueule de l'emploi. du faux cul. Quoi, mais écoutez, si jamais cherche un emploi, ça pourrait être une reconversion. André Manoukian, vous aussi, vous avez un physique d'acteur, mais plutôt de gentil. C'est gentil. Vous dites ça, mais... Shakespearean. Ah. Alors, en fait, on a reçu Grégory Dorcel il n'y a pas longtemps, mais Shakespeare, ça me va aussi très bien. Allez, un peu de sérieux. Lui, il s'appelle Black Yaya. En fait, c'est un des fondateurs du groupe Herman Dune. Il s'appelle David Ivar Herman Dune. Et tout à l'heure, on parlait de transmission. Et pour qualifier un petit peu sa musique et puis l'histoire de ce groupe Herman Dune et maintenant de son chanteur qui a décidé de faire une carrière solo, encore une fois, sous le nom de Black Yaya, il est déguisé en chanteur acidique. On a l'impression, en fait, d'être dans un film des frères Cohen. Est-ce que vous vous souvenez de ce film, A Serious Man ? C'est l'histoire de Larry Gopnik, qui est un professeur de physique quantique en 1967 à Minneapolis. Il est juif, il est pratiquant, mais sa vie part en sucette. Il perd sa femme, son boulot, son fils se drogue, il est défoncé au moment de sa bar mitzvah. Et ce gars, dont toute la vie s'écroule, cherche sans arrêt à avoir un entretien avec le rabbin pour mettre un peu de sens à tout ça. Et le grand rabbin lui refuse les entretien parce qu'il dit qu'il n'en donne plus. Et finalement, à la fin du film, enfin, après tous les malheurs de cet homme, le grand rabbin le reçoit et lui dit « La vérité est dans Jefferson Airplane ». Alors, il n'y a que les frères Cohen pour faire un film avec une fin pareille. Mais le Jefferson Airplane, il faut savoir que non seulement c'est un grand groupe de rock psychédélique, mais c'est aussi comme ça qu'on appelait les joints. Vous savez, quand on finissait le joint, pour ne pas se cramer, enfin j'ai vu ça dans des films, hein, j'ai jamais vu en vrai, pour ne pas se cramer, on piquait le joint avec une petite épingle comme ça, et puis on le passait à son pote, et du coup ça ressemblait à un petit avion, donc le Jefferson. Alors, est-ce que le grand rabbin lui disait que la vérité est dans une forme d'extase qui serait pas forcément que religieuse? Je laisse la responsabilité au frère Cohen. En tout cas, Black Yaya avec Herman Dune ou sans Herman Dune produit une musique bien déjantée. On pourrait la qualifier de folk psyché américaine. Pourquoi il a un costume électro-acidique ? Alors, le télescopage peut sembler contraire. En fait, la religion entretient de tout temps des rapports très spéciaux avec la musique. La vibration musicale, spirituelle et érotique, pour moi, est la même. Ça dépend simplement où on met le curseur. Ce sont les moines qui inventent la portée au XIIe siècle parce que la musique a un pouvoir tellement énorme qu'il faut le canaliser. Donc la portée et la notation musicale avec les notes de musique, oui, des moines qui inventent ce truc-là. À la fin du XIXe siècle, un illuminé rosicrucien, Edgar Cayce, américain, disait « La musique est dangereuse parce qu'elle ouvre nos chakras. » Et un chakra ouvert peut se laisser pénétrer par une entité spirituelle. Uh-huh. Moi-même, j'étais pénétré par des entités que je ne peux pas nommer. Voilà, ici. La plus belle définition du chant, c'est une jeune chanteuse, Lubavitch, qui me l'a donnée. Elle m'a dit « Je n'ai pas le droit de chanter devant les hommes parce que chanter, c'est pire que se mettre nu, c'est dévoiler son âme. » Donc, tout d'un coup, on a la définition du chant, un pur striptease spirituel au fond. Cette notion, encore une fois, d'éros et de spiritualité est dans la musique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les acidiques ? Le mouvement acidique est né en Europe de l'Est au XVIIIe siècle. Suite à des pogroms ukrainiens qui firent des dizaines de milliers de morts, les survivants vont se tourner vers un judaïsme académique sans spiritualité, sans joie, rejetant toute forme de mysticisme. C'est contre ça qu'un nommé Israël Ben Eliezer va s'insurger. C'est un érudit, il étudie la Torah et lui, il va mettre l'accent sur la célébration, la danse, le chant, la joie, l'affectif et l'enthousiasme. C'est un hassidique est donc un homme, certes pieux, mais qui veut être l'acteur de sa vie par-delà les autorités officielles. Voilà pourquoi ça fait du sens quand Boy George ou maintenant Black Yaya se font pousser des bouclettes sur leur drôle de chapeau melon. L'idée, c'est un petit peu de réconcilier une forme de célébration religieuse avec la joie et la vérité, finalement, de la musique. Tout ça était déjà contenu dans Spinoza. Mais si la vérité était vraiment dans Jefferson Airplane ? Que nous vient de nous faire découvrir André Manoukian avec Flying Rocket. Vous êtes sur France Inter, il est 17h35. Nous sommes en compagnie de Marcel Maréchal, qu'on peut voir au théâtre du Petit Héberto dans Opus Cœur d'Israël Horowitz avec Nathalie Newman. Et il y a aussi un acteur à votre droite qui s'appelle Guillaume Meurice. C'est un fameux comédien de la formation. Guillaume, qui est notre envoyé spécial dans la rue. Un peu partout. Tout se passe au coin de la rue. Hein. Tout à fait, tout à fait. Charline, mais je vais vous parler politique aujourd'hui, car je me suis rendu ce matin à l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale de la Chasse. Et la chasse, c'est de la politique. Il y a des présidents de fédération. Et je dis bien président et pas présidente, parce que j'ai fait les comptes, il y avait autant de nanas qu'au salon du slip kangourou, organisé par les talibans à Kaboul. Alors, comment peut-on expliquer ça ? Allons voir Jean-Claude, un chasseur. Ben, ça explique parce que, si vous voulez, le monde de la chasse était quand même un peu misogyne quelque part. Ah voilà. À un certain moment, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, pas autrement. Plus maintenant ? Mais non. On a toujours, enfin ce qui me concerne en particulier, toujours beaucoup de plaisir à chasser avec des femmes qui, de temps en temps, peuvent même nous apprendre certaines choses. Des femmes pourraient vous apprendre des choses ? En comportement, ouais, parce qu'elles sont très respectueuses. De la sécurité, par exemple, beaucoup plus qu'en automobile, par exemple. Ah, il aura tenu 22 secondes, Jean-Claude, entre le moment où il dit que le monde de la chasse n'est plus misogyne et le moment où il dit que les femmes ne savent pas conduire. Belle performance, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, il ne protège pas seulement les femmes, il protège aussi la nature, n'est-ce pas ? Bah, les chasseurs ont toujours été des protecteurs de la nature. Ils n'ont pas toujours été considérés comme tels par des adversaires qui voient noir chaque fois qu'ils parlent de chasse. Mais ça veut dire que les chasseurs aiment la nature ? Bien sûr. Mais on peut dire aussi que Marc Dutroux aime les enfants. Vous me poussez à l'extrême. Non, calme-toi. Calme-toi, Jean-Claude, il est nerveux. Il était à deux doigts de partir faire le djihad au nom des faisans et des chevreuils qu'il aime tellement et qu'il veut donc naturellement buter. Mais bon, attention, hein, je ne veux pas passer pour une saleté d'anti-chasse. Il y en a hein, qui sont comme ça, c'est vrai. J'en ai parlé avec Bernard, un ami de Jean-Claude. Ah oui, ça c'est des histoires d'écolos, ça. Les écolos qui sont anti-chasse, anti-tout, alors évidemment. Hein. Ils sont anti-tout, les écolos ? Oh, presque, oui, presque. Ils sont presque entre eux, ils se tirent dessus, voilà. Ah oui, on peut pas lui donner tort ça, à Bernard. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les écolos s'y connaissent autant en espèces menacées, c'est qu'à force de se tirer dessus, bah, ils sont de moins en moins. Il est lucide, Bernard, bien vu, enfin, bien vu. Je vois pas très clair, j'ai une démêla. Oula, et vous continuez à chasser quand même ? Ah non, je dirige la chasse, mais je chasse pas. Ah, vous dirigez la chasse quand même ? Ah bah oui, bah oui, bah oui, ah oui, oui, ça, ça. Ah quand même ? Ah bah oui, oui. Non mais je peux pas tirer quoi. Oui, c'est pas ça. Tirer, mais vous pouvez dire où les gens doivent tirer ? Ah bah oui, je l'ai dit même plusieurs fois. Et ça c'est rassurant ça ? Hein ? C'est rassurant ça ? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, il a les oreilles qui déconnent un peu aussi Bernard, il n'y a pas que la vue, mais il est en mesure de diriger une chasse. Alors moi je vous donne un petit conseil, si vous n'arrivez pas à vous suicider, allez vous balader en forêt au moment où Bernard dirige une chasse, ce serait quand même malheureux si vous en sortez vivant. Je donne évidemment le même conseil aux renards et aux sangliers qui veulent rester vivants. Mais revenons à la politique et donc aux différents présidents, donnons la parole à Jean-Pierre Campana. Je suis le président national du club des Bécassiers. Le club des Bécassiers, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que vous ne connaissez pas le club des Bécassiers. Ah pardon, j'ignorais le club des Bécassiers. Non, mais ça m'intéresse beaucoup, dites-moi. C'est une association qui regroupe les chasseurs de Bécasses. Voilà, il y a deux associations en France, il y a le club des Bécassiers et Bécassiers de France. Vous êtes concurrent ? Comme vous savez, partout, il y a des questions de philosophie de départ. Quelle philosophie de la Bécasse, ils ont Bah écoutez, nous, notre priorité, c'est de pouvoir pérenniser l'espèce, la gérer du mieux possible. Et donc, vous voulez pérenniser l'espèce en leur tirant dessus ? Mais non, absolument pas. Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire, tirer dessus ? Mais la chasse, c'est pas ça ? Ah bah non, absolument pas. Ah bah expliquez-moi ça alors. La chasse avant tout, c'est la recherche du gibier, le fait de, avec notre chien, notre fusil, c'est-à-dire ah voilà, c'est ça. La possibilité de tirer ou pas. Oui mais c'est pas un appareil photo, je veux dire. Ça fait rien, l'appareil photo pour moi est aussi dangereux qu'un fusil. Eh oui, c'est vrai, il a raison, regardez les titres des journaux, hein. Un enfant se tue en jouant avec l'appareil photo de son père, encore un braquage à l'appareil photo, sans parler bien évidemment des attentats à l'appareil photo qui font des ravages, donc la chasse ce n'est pas dangereux et c'est beau, c'est la communion avec la nature, avec la forêt, et on va monter un cran au-dessus au niveau politique, puisque j'ai croisé le ministre des forêts, hein, c'est aussi celui de l'agriculture, Stéphane Le Foll. Ah, moi je cherche à être celui qui porte l'équilibre, le souci du compromis, le souci du dialogue. Bon, puisqu'on parle d'équilibre, est-ce que vous allez équilibrer en allant à l'Assemblée Générale des chasseurs de champignons ? Les chasseurs de champignons, les cueilleurs de champignons, oui, le champignon, très important. Ça fait partie aussi d'une activité dans le monde rural. Moi-même, j'ai été aux champignons. J'ai du mal aujourd'hui à prendre le temps d'aller aux champignons, mais si je peux, j'y retourne aux champignons. Oui, sur tous les sujets. Et aux champignons et surtout aux fraises, mais oui. Eh bien oui, c'était ma chute que vous venez de niquer, Charlie Badou, d'accord. Mais c'est, on est sur la même longueur, non ? C'est une excellente chute, hein, parce que comme le PS n'est pas à l'abri de se prendre une tôle dimanche, il va pas tarder à avoir le temps d'y retourner, notre ami Stéphane aux champignons, parce que pour l'instant, et comme vous l'avez dit, le gouvernement est bien évidemment aux fraises. Excusez-moi, Gabriel, c'était plus fort que moi. C'est, le problème, c'est qu'on passe trop de temps ensemble, et voilà. Là, vous allez lancer des rumeurs, et puis il y a les chasseurs à l'appareil photo Marcel qui vont Maréchal, vous voyez comme quoi le reportage humoristique, on peut en sortir des choses quand même tout à fait étonnantes. Mais oui, surtout avec le talent que... de Guillaume Maréchal et ce magnifique jeu de mots. Oui. Parce que... Marcel Maréchal, vous êtes avec nous jusqu'à 18h et on va rénover les boiseries de l'information ensemble. Ah tiens, avant, je peux dire qu'on peut venir vous voir en chair et en blague à Saint-Mexon, ah, mais Guillaume oui, Meurice, tout à fait. En Corrèze. Ah, okay. Jeudi, vendredi et samedi, ce sera à l'Atelier des artistes. Eh oui. Eh oui, et tant qu'on y est, puisque Marcel Maréchal est au Petit Héberto. aussi le dimanche à 15h, juste avant. Et là, il est à Paris, et nous, Guillaume et moi, je suis à Argenton, dans la Creuse. Très bien. C'est le pays de Onfray, là. Samedi soir. C'est Argentan. C'est en Normandie, pardon, excusez-moi. Samedi soir, je serai à Argentan. Voilà, comme ça, Clara Dumont-Mono, André Manoukian, quelque chose à signaler, une dédicace, un bonjour à papa-maman. Un barbecue, quelque chose comme ça. Allez, est-ce que je vous ai dit que jusqu'à 18h, on rénovait les boiseries de l'information ? Oui, ça dit. Donc c'est le deuxième sujet. C'est marrant cette manie de parler des menus à la cantine à l'approche de chaque élection. Et là, c'est reparti à l'initiative du maire UMP de Châlons. Porc ou pas porc, ce sera plat unique pour tout le monde. C'est le choc de simplification version UMP parce que l'absence de porc ne fait pas bon ménage avec la laïcité. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est copain. Comment ça, copain? Foutez-moi. Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas les bêtes. Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. Non, la dernière fois, je vous ai dépanné. Mais je ne suis pas vétérinaire. Essayez de comprendre ça, monsieur Guilin. Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas. Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, moi, je ne bouffez-le. Du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le. Voilà, le maire de Châlons, il est plutôt pour faire bouffer le cochon. Hein. Il est Christian Clavier, il n'a pas Christian Clavier. Là, dans les bronzés. Alors, c'est un débat qui revient tout le temps, les plats halal, la cantine, la laïcité à l'école. Marcel Maréchal, on se disait dans le bureau, et pourquoi est-ce que les écoles ne feraient tout simplement jamais de porc, voilà, et ça règle le problème toute l'année pour tout le monde, et on n'en parle plus, quoi. Moi, j'ai vécu 20 ans à Marseille, alors je dirais que du poisson tous les jours. Voilà. Qu'on achèterait à la criée, bien sûr. Et pour les profs qui sont d'origine lyonnaise, du saucisson, truffé. Tablier de sapeur. On est coincé là avec le saucisson. À Marseille, il y a quand même le vieux porc. Merci. C'est combien de temps qu'elle macère celle-là dans ta tête. J'ai travaillé cet après-midi. Alex Vizorek. Le vieux porc, c'est un mot méchant qu'on disait à propos de Gaston Defferre qui était loin d'être le vieux porc, qui était un homme merveilleux que j'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai cru que vous alliez être caustique, j'ai eu peur. Oui, non, parce que dans la pièce Opus Cœur, vous jouez un professeur. Alors ici, on est quand même dans le domaine scolaire avec les cantines. À quoi elle est censée servir cette école? Est-ce qu'elle doit justement s'adapter aux élèves? Parce que c'est beaucoup le thème de cette pièce. Ou est-ce qu'elle doit être rigide et puis les élèves s'adaptent à l'école? Alors là... Ah oui, c'est une grande question. Hein. Je joue toute la journée, Marcel Maréchal, hein, ça vient de loin. Qu'est-ce que répondrait Jacob Brakisch, votre personnage dans Opus Cœur? La liberté de... Je crois que c'est un grand, grand libertaire, en tout cas. Un anarchiste aussi. Chacun fait comme il veut, voilà. Mais pourquoi imposer des... Je ne sais pas, enfin, ça... Bon, bref, s'il n'y avait pas de porc à l'école, ce serait que... Cette émission doit apporter des solutions aussi. Il y a un moment, il faut qu'on ait des solutions. Ça a fait débat dans le bureau, on n'a pas trouvé de solution. Moi, j'en avais trouvé une, il n'y avait dit que des menus végétariens à l'école. Voilà. Oui. C'est vrai, parce que le petit garçon, la petite fille qui n'a pas de porc dans son assiette, on lui promet un supplément légumes. C'est quand même mignon. J'ai quand même dénoncé Guillaume qui est végétarien depuis 2 semaines. Hein. Je dénonce à l'auditeur parce qu'à un moment, il faut que ça se C'est juste. Hein. Marcel Maréchal, savez-vous qu'à cette heure-ci, sur France Inter, c'est le moment de Clara Dupont-Mono où là, on prend beaucoup plus de recul sur l'écume de l'actualité. On essaye. Puisque l'actualité, Charline, c'est aussi les interrogations qui se poursuivent autour de l'assassin de Boris Nemtsov, l'opposant qui a été tué à Moscou de 4 balles dans le dos. Alors un suspect a été arrêté, il aurait avoué sous la torture, tandis qu'un ancien tueur à gages, qui purge actuellement 23 ans de prison, a déclaré aux Échos que c'était un travail d'amateur. Je cite, un travail d'amateur. Alors tout ça, ça nous amène à une figure assez dérangeante dans la littérature, mais la littérature aime déranger, et cette figure, c'est celle du tueur commandité. Et justement, un livre va sortir le 26 mars, mais je l'ai tellement aimé que je vous en parle un petit peu avant sa parution. Il s'appelle « Du sang sur la glace » de Joe Nesbo et il est paru dans la série noire. Il va paraître dans la série noire de Gallimard, série noire qui fait d'ailleurs ses 70 ans. Donc bon anniversaire à la série noire de Gallimard. Alors, pour information, les polars de Joe Nesbo, ils sont traduits encore en 40 langues, vendus à plus de 23 millions d'exemplaires dans le monde. C'est donc un des grands rois du polar scandinave. Et là, il nous a fabriqué 150 pages de pur frisson, de pure réussite, alors qu'en plus, normalement, John Nesbo, il fait des gros pavés, mais là, je ne sais pas pourquoi, il a préféré le petit format aux congères littéraires. Donc, comment fait-il pour nous harponner à ce point sur 150 pages? J'ai passé la nuit à me poser la question. Alors, il fait parler un tueur à gages. Ce tueur, il s'appelle Olaf, et il est donc l'exécuteur attitré d'un affreux gangster qui règne sur la pègre de Oslo. Alors, première particularité, c'est que cet Olaf, c'est un tueur, mais il n'est pas méchant. Ah, et ça, c'est les pires. C'est-à-dire qu'il ne tue pas par revanche, il ne tue pas par désir de puissance. Il ne tue pas par goût. Non plus. Il ne tue pas non plus par goût. Il ne tue pas non plus par assouvissement de pulsion. Il tue simplement parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Il dit lui-même qu'il est dyslexique, qu'il est nul en mathématiques, et que donc tuer... Il faut s'occuper. Ben voilà, exactement. Il a une espèce de détachement comme ça, assez froid, et il dit que tuer, je cite, ne pose aucun problème d'arithmétique complexe. Donc il a une approche extrêmement pragmatique donc, de son métier. Comme les chasseurs, en fait. Un petit peu. Sauf que lui, il est encore plus distancié. Il est un peu plus distancié. Puis il n'est pas misogyne. Et puis, un jour, son patron lui demande d'exécuter sa femme au motif qu'elle le trompe. Bon, alors Olaf, comme d'habitude, il s'exécute. Il va louer une chambre dans une pension, exactement face au salon du patron. Et puis là, il attend que la femme apparaisse. Et là, pour paraphraser Gustave Flaubert, ce fut comme une apparition, un miracle, un coup de foudre. Olaf tombe fou amoureux de la femme qu'il est censé liquider. Alors... Ça vous parle, ça, André Manoukian? Oui. Mais non, mais ça, là, on est à la page, je ne sais pas, on est au tout début. Enfin, c'est vraiment éblouissant. Et toujours à son poste d'observation, il voit l'amant qui entre donc, dans la pièce. Et qu'est-ce que fait cet amant? Je cite, « Il la frappa. Je fus d'abord si éberluée que je pensais n'avoir pas bien vu, mais il recommença. » Alors, Olaf décide qu'il tuera l'amant. Et c'est une très, très, très mauvaise idée. Donc, tout le récit est raconté avec... Et ça, c'est la fin. Non, vous pensez bien que... Merci, Guillaume Meurice, de me prêter une grande envergure intellectuelle. C'est Olaf qui parle, et c'est la seconde particularité de ce texte. Parce que souvent, les romans policiers d'aujourd'hui, ils sont racontés avec un point de vue diffracté, avec plusieurs points de vue. Par exemple, chez Alan Coben, qui est un grand vendeur de romans policiers, vous avez toujours le point de vue du tueur, de la victime et de l'enquêteur. Et si on a un seul point de vue, de temps en temps, c'est très souvent celui de l'enquêteur. C'est le commissaire Adamsberg chez Fred Vargas, c'est l'inspecteur Harry Bosch chez Connolly, c'est l'inspecteur Harry Hall, toujours du même John Nesbo qui est d'habitude son héros, mais c'est pas celui du tueur. Et là, c'est lui qui parle, c'est le tueur. Et c'est très intéressant. Une des premières qui a mis sur le même plan narrateur et assassin, c'est Agatha Christie. Son beau-frère adorait Sherlock Holmes, et un jour, il lui avait dit « J'aimerais bien qu'un jour, ce soit Watson le coupable. » Et du coup, Agatha Christie, elle a laissé infuser l'idée, et dans son autobiographie, elle a d'ailleurs noté « L'idée me paraissait ingénieuse, mais elle présentait d'énormes difficultés. Et pourtant, elle s'y est mise. Elle a imaginé que celui qui raconte l'histoire est l'assassin. Ça s'appelle Le meurtre de Roger Ackroyd. Mm-hmm. C'est sorti en 1926. Et ce procédé avait dérouté toute la critique. Elle s'en est pris plein la figure. En revanche, le public, lui, avait complètement adhéré. Et ce qui est très fort, et ce qui vaut pour Agatha Christie comme pour John Nesbo, c'est que dans le roman policier, le lecteur s'en remet très souvent, voire toujours, à la voix qui énonce. Cette voix qui énonce et qui l'embarque ne peut pas être le mal. Et d'ailleurs, à propos du meurtre de Roger Ackroyd, Roland Barthes avait dit « Le lecteur cherche l'assassin derrière tous les « ils » de l'intrigue, et là, il est sous le « je ». Voilà ce qui déroute. Et qui a repris et exploité au maximum et avec beaucoup de brio ce procédé? Ce sont les séries télé. Regardez Les Sopranos, Breaking Dead, Dexter ou Fargo, cette géniale série produite par les frères Coen, basée sur leur film. À chaque fois, l'histoire est racontée du point de vue du, entre guillemets, méchant. Et le spectateur devient presque l'interlocuteur. Là aussi, c'est pareil, parce que Olaf nous parle au sens littéral du terme. Il nous fait passer de lecteur à interlocuteur. Il est donc proche de nous et donc beaucoup plus difficile à condamner. Voilà la réussite de ce petit polar venu du froid qui va bientôt arriver. Je vous redonne les références du Sang sur la glace de John Nesbo chez Gallimard, série noire. Merci Clara Dupont-Moneau. Est-ce que Clara Dupont-Moneau vous donne envie de lire cet ouvrage? Oui, absolument, il faut l'acheter tout de suite. Enfin. Et c'est pas encore en librairie, je prends un peu les devants, mais c'est le 26 mars. Vous me donnez votre exemplaire. Alors, voilà, vous allez partir avec le livre. Vous pourriez incarner ce tueur au théâtre, Marcel Maréchal, c'est le genre de rôle qui vous ferait transpirer de la en moustache, cas, comme dirait André Manoukian. Ce qui est sûr, c'est que les rôles de méchants, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense mon ami, même Lionel Manoukian, sont beaucoup plus intéressants à jouer que les rôles de, disons, de type sympathique. Mais pourquoi? Je sais pas, enfin moi ça c'est une perversion, dites donc. Non. C'est plus facile en tout cas, c'est plus facile de faire. C'est plus excitant. Voilà, c'est plus excitant. Moi je. Donc, je ne pas compte. Ouais. Ce personnage d'Opuscœur n'est pas si gentil que ça. Ah non. À voir donc au Petit Héberto, du mercredi au samedi, à 21h, le dimanche à 15h, avec Nathalie Newman. Allez, vous êtes dans Situé Coup de J'annule Tout. On va passer au troisième sujet, avec le palmarès mondial des chansons qui rendent heureux. On s'en tape, hein. Et pourtant, c'est une initiative de l'ONU. Oui, oui. Pour la Journée mondiale du bonheur, dont on se fiche éperdument aussi. Des chansons qui rendent heureux quand on les éteint, c'est ça, quand on les coupe. Quand on les écoute pas. Voilà. Alors, quitte à causer de cette niaiserie, notre équipe a voté pour la chanson qui nous rend très heureux. D'ailleurs, on l'écoute en boucle depuis vendredi. Allez, c'est la nôtre et on la propose à l'ONU. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum, badaboum, les petits hélicos. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum, on a failli perdre Candeloro. Et Annie Longo, on a déjà connu Koh-Lanta, où le Maccabé, c'était pas suffisant. Et vous l'avez dit, c'est vraiment la merde. Au jeu du cirque, il faut toujours du sang. Au moins dans les chiffres et les lettres, il y a moins des risques d'y laisser sa peau. Au pire, on risque une migraine et des blagues des Laurent Romeshko. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum, badaboum. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcel Maréchal? Ça, c'est moins niais quand même. Moi, j'aurais proposé une chanson de... Puisqu'on parlait de la Russie tout à l'heure, enfin de ce qui s'est passé, l'assassinat de l'opposant Nemtsov. Voilà, une chanson que j'adore, que je remets en boucle. Oui, c'est de Vladimir Vysotsky, le grand poète russe qui est mort en 1980, qui a été le mari de Marina Vladimir. Enfin, ça, c'est l'anecdote, c'est Vers les cimes. Voilà. Et puis, parce qu'on dit tellement de choses sur la Russie en ce moment que je trouve que ce serait bien qu'on parle de... Eh oui. Et voilà. Ça aurait son sens à l'ONU, évidemment. Oui. Et vous aimez Jean-Jacques Goldman? Bon, on a compris que... Alors non, vous ne voterez pas, vous ne voterez pas. Alors, c'est pour, je cite, hein, c'est un article du Parisien aujourd'hui en France, c'est pour inciter les politiques à faire une priorité de l'aspiration universelle des êtres humains, c'est-à-dire tout simplement être bien. Voilà. Alors, Ban Ki-moon a choisi son titre, un titre de Stevie Wonder, qui date de 70, Signed, Sealed, Delivered. J'ai ripé sur le Stevie Wonder. C'est un bon choix, Xavier Manoukian, si vous appelez. Ça ne va pas du tout. Hein. Là, ça va, Wonder, il faut que j'aille me coucher, moi. Oui, Stevie Wonder, il avait le don, il a toujours d'ailleurs, pour chanter à la fois une certaine forme de foi, de ferveur, mais avec quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose dans le... On dirait qu'il a le gospel, ouais, le gospel de la joie, mais sans vous tomber dans la niaiserie. Moi, la chanson du bonheur, bah, la mélodie du bonheur, do, le do, il a bon do. Ça vous dit rien, Julie London? C'était... Non, pardon. Julie Andrews, exactement, la mélodie du bonheur. Alors, c'était Marcel Maréchal film. Proposait... Oui, voilà, pour... Vysotsky. Oui, et pour le côté russe à l'ONU. Alors après, je ne sais pas, Guillaume Meurice, Clara Dupont-Mono... Michel Sardou. Ah bah oui, incontestablement. Ils ont le pétrole, mais c'est tout, mais ça me met en joie toute la journée. C'est ça. Je pense qu'on est sur la même ligne. Il hésite avec « Je suis pour ». Je suis sur la même ligne que Guillaume Meurice. Et bien moi, puisque vous me demandez... oui, ça, on a compris que c'était Goldman. Hein. Voilà, voilà c'est ça. Mais si vous me demandez le titre, puisque vous insistez... Oui, bah, j'insiste tellement. Allez, les news au triomphe. Yes. What do you want? Me to go back? Needs a no. No, no, there's no problem. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Oui, parce qu'il y a un moment, ça va bien. Il faut revenir au vrai sujet. Il y a et plus on de respect. Envolez-la très loin. Et on revient sur l'affaire donc, du bureau de notre président Mathieu Gallet. Oui, et pendant l'émission, il y a eu une prise de position parce qu'il y a des voix qui se sont élevées aussi du côté des syndicats pour le défendre. Je voudrais qu'on l'écoute. Ah, ben oui, c'est Thierry. C'est le pont. C'est Thierry. C'est le pont, c'est Thierry. Qui, ça c'est un long... soutien, ça, ou alors ça faisait... C'est un soutien, oui, bien c'est sûr. Ça, c'est un soutien, hein. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite, celle-là. mais en tout cas, oui, cette affaire Thierry Le Pont, vous pensez que sur la fuite du bureau de Mathieu Gallet pourrait venir des syndicats, Charles? Oh, bah non. Ce serait l'hôpital qui se moque de la CGT. Oh, c'est excellent. Bon, passons, on va perdre notre boulot. On va passer à autre chose. Oui, le héros de bande dessinée Tintin au cœur d'une nouvelle polémique. Oui, il y a eu pas mal de polémiques autour de Tintin au Congo. Et bien, à présent, c'est Tintin en Amérique qui fait l'objet de soupçons de racisme. Des habitants de Winnipeg, dans le Canada, viennent d'exiger le retrait de la BD. Les Indiens sont présentés comme des êtres sauvages et dangereux. Voilà. Ah bah oui, moi j'avais pas tiqué. Hein. Bah oui, mais relisez Tintin, parce qu'effectivement, dans Tintin au Tibet, par exemple, c'est rempli de Nyakoué. Tintin et l'or noir, il y a pas mal de bico. Et je vous cache pas que les bijoux de la Castafiore, c'est probablement un coup des manouches. Merci pour ces clichés, Alex. Voilà, hein, je crois que notre boulot, on l'aurait de toute façon quand même c'est perdu. Pas faux. Merci. Et merci Marcel Maréchal d'avoir participé avec nous à cette heure de blagounette sur l'actualité. C'était bien agréable. Ah bah écoute, on était ravis de vous avoir avec nous. Il y a aussi, puisque tu pars, hein, on peut hésiter avec ton vol et moi. Voilà. Alors, non, mais je rappelle que Marcel Maréchal, on peut vous voir on dans doit. Opus Cœur et on doit vous voir au théâtre du Petit Héberto. Opus Cœur d'Israël Horovitz. C'est avec Nathalie Newman. Mise en scène de Caroline Darnay. Voilà, du mercredi au samedi, 21h, dimanche à 15h. Et le dimanche, si vous restez un petit peu, vous aurez la chance de voir Alec Vizorek. En tout cas, vous, dans Opus Cœur, c'est jusqu'au 26 avril. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve avec Béatrice Dalle, si on peut faire cette antenne. On verra bien. Le mot de la fin pour trancher le débat sur le porc à la cantine. Mais bouffez-le, moi, je ne sais pas ce que vous dire, mais bouffez-le. Allez hop, mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le.